3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Cette semaine a été très très très chargée, il y a beaucoup de choses à dire. Bienvenue dans l'épisode hebdomadaire de KNF TV à The Knicks Week. Avec moi, toujours accompagné de Julien. Salut Julien. Hey Joe, salut à tous. Bon, on a une très grosse semaine, on a beaucoup de choses à dire, donc on perd pas une minute et on passe sur le débrief de la semaine passée. Let's go. Let's go. Alors, une sacrée semaine de la part de New York Knicks. Beaucoup de choses, des bonnes, des moins bonnes. On va essayer de commencer par une note un peu, par quelques notes un petit peu positives. Donc déjà, félicitations coach Thibodeau. Cette semaine, tu as passé un cap. Tu as passé le cap des 400 victoires en carrière, en tant que coach, bien sûr, pas en tant que joueur. Donc voilà, c'était la petite note positive de la semaine. Le coach a, via un succès à Philadelphie, réussi tout de même à passer ce palier. Bon, on aurait préféré que ça se poursuive, mais ça, on va en parler. Autre petite news positive, eh ben, Julius Randle, qui, malgré peut-être des défauts et des défaillances sur les parquets, a quand même un grand cœur, et il l'a prouvé encore une fois, et cette semaine, du coup, il est, comment dire, il fait don. Il fait un don, une donation à chaque panier à 3 points inscrit de $500 pour la fondation, l'école de la légende des New York Knicks, Earl Monroe. Donc voilà, c'était une petite action qu'on souhaitait tout de même saluer. On espère que cette saison, il va nous en inscrire un paquet de 3 points, ce Julius. Autre petite chose, et pas des moindres, il y a eu de l'actu côté KNF. Et je serais tenté de dire que dans les actus KNF, cette semaine, eh ben, ni plus ni moins, on vous a diffusé le nouvel épisode, l'épisode numéro 16 du podcast The Knicks Episode, avec beaucoup de choses de raconter. On était nombreux, on était 5. On remercie d'ailleurs tous les participants de ce podcast. Si vous ne l'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, parce que c'est un podcast, donc c'est une bande audio, hein, même si on a un petit jingle vidéo pour donner envie de voir tout ça et d'écouter tout ça, eh bien écoutez, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, j'en passe et des meilleurs. Donc vous saurez le retrouver. Le lien est de toute façon en description de la vidéo. N'hésitez pas, en voiture, ou je ne sais où, ça peut vous faire une petite bande-son où on a parlé de ce mois écoulé de la part de New York Knicks. Donc voilà, n'hésitez pas, le podcast est en ligne, il est tout frais, profitez-en. Autre actualité KNF, Julien, toi t'as suivi, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui se profile, tu sais ce qu'on a lancé. La prochaine viewing party, KNF viewing party, on est de retour. Plus que jamais, hein, cette année avec la KNF TV, avec le One Ball, l'événement qu'on a réalisé fin octobre, et bien maintenant, place aux viewing parties, et pas des moindres viewing parties, puisqu'il y en a une qui s'annonce dès le 4 décembre 2012. 4 décembre, c'est pas un dimanche, c'est un samedi, donc parfait pour commencer un week-end au calme avec la famille KNF, devant un bon petit match de basket NBA, donc ça sera Knicks Nuggets. Le fameux puncher de Nikola Jokic. On n'aura pas Marcus Morris pour venir le chatouiller, mais on aura quand même une équipe des Knicks qui devrait essayer de se dépêtrer de ces Denver Nuggets et de ce MVP en titre Nikola Jokic. Alors, pour cette affiche, en plus, on a une super adresse, le Balrog, un sports bar qui est peut-être ce qui se fait de mieux sur la capitale. Donc voilà, il y a toutes les images qui défilent. Les infos sont sur le site internet, sont sur la page Facebook, enfin tous les réseaux sociaux de Knicks Nation France. On vous attend nombreux et nombreuses pour ce rassemblement et on a vraiment hâte d'y être et on espère passer une bonne soirée en votre compagnie le 4 décembre. Donc voilà, il fallait qu'on en parle, on a envie de vous retrouver sur des événements en physique, on l'a dit, on le répète. Et là c'est du concret, 4 décembre 2012, donc save the date comme on dit. Ça c'était pour les petites notes positives. Bon, le podcast, l'émission, on va essayer de la faire quand même sur un ton positif, même s'il y a beaucoup de critiques, beaucoup de choses à dire. Et en parlant de dire des choses, bah, les joueurs, les coachs, beaucoup se sont exprimés dans la sphère d'Enix. Et voilà, il y a quelques déclarations là qui défilent. Bon, c'est un début de crise. Qu'est-ce qui se passe à New York, Julien? Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui se passe à New York en ce moment? Bon, on va parler de la semaine dernière. Il ne se passe pas que des bonnes choses. Hein. On sort d'une semaine très compliquée où les belles promesses du début de saison semblent déjà assez loin. Ça va vite sur la conférence Est en plus. Il y a vraiment un ventre mou, on va dire. Quelques équipes qui se tiennent à une ou deux victoires. Donc si tu perds ou si tu gagnes, tu peux vite monter dans le classement et vite redescendre. Et bien là, nous, on est vite redescendu. Pas si longtemps, on était premier de la conférence Est. À l'heure où on enregistre, on est 7e, si je ne me trompe pas. Ouais, le classement, est-ce qu'il est représentatif encore en début de saison? Bon, on verra, mais il y a quand même un gros peloton, quoi. Il est représentatif de cette dernière semaine, en tout cas, en ce qui nous concerne. Oui. On va résumer très vite. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les matchs. On a fait 4 matchs, 3 défaites, une seule victoire. Donc, on a perdu contre Cleveland. On a gagné contre l'équipe B, voire l'équipe C de Philadelphie. Avec beaucoup d'absents, Covid et tout, mais on a gagné. Bon. Avec un match difficile de notre part, mais on a pris le match. On a perdu contre les Bucks pour une revanche. Et on a eu une défaite qui a fait mal à Charlotte. Contre les Bucks, c'est le match que je vais le plus mettre en avant parce que c'est celui où il s'est passé pas mal de choses. On en a parlé lors de la précédente émission, je vais revenir dessus. La défense cette année est aux abonnés absents chez les Knicks, tout le monde le voit. On a construit notre saison passée sur la défense, on a apporté des pièces offensives qui sont Kemba et Evan notamment. Contre Milwaukee, personne n'était en rythme. D'ailleurs, les 4 matchs, c'est la même chose, hein, que ce soit Julius, RG, Evan. Kemba a un peu flambé sur le dernier match, mais il avait un petit peu de revanche et encore c'est en trompe-l'œil, il a toujours mis dans le premier carton. Mais voilà, notre équipe et notre sac majeur est en struggle complet offensivement parlant sur ces 4 derniers matchs, sur la semaine dernière. Et je vais même te dire, depuis on va dire 7-8 matchs, c'est quand même beaucoup plus difficile. On sent qu'ils ont du mal à se trouver, les automatismes ne sont pas là et la défense n'est clairement pas là. Du coup, ce qu'on a vu sur la défaite, parce qu'on a pris une défaite honteuse contre Milwaukee, bah, il a sorti le 5. Et il ne l'a pas remis dans le dernier carton. Hein, on est revenu grâce à l'énergie de la seconde unité qu'on avait pourtant critiquée, mais qui, depuis 2-3 matchs, est peut-être là, en train d'essayer d'apporter de l'énergie. Ouais. Alors, avec leur niveau, avec leur qualité et leurs défauts, Burks a repris un petit peu de couleur. Bon, il joue un peu plus, donc ça le fait un peu plus en rythme. Quickley aussi, même s'il gâche beaucoup. Il faut le noter, ouais. Mais quoi que ce soit, il apporte quand même cette le côté energizer qu'on a aimé la saison passée, on le retrouve. Topin essaye d'apporter aussi ce côté rentre-dedans, energizer. D-Rose, bon, il sort d'un match très moyen contre Charlotte, mais dans l'ensemble, est quand même le joueur le plus régulier. Donc voilà. Et Noël, quand il joue, apporte aussi ce côté punchy. Aujourd'hui, clairement, Thibodeau a ciblé des joueurs. Il a ciblé le 5 majeur. Hein, clairement, on ne va pas se mentir. Et ce 5 majeur qui nous faisait rêver en début de saison est complètement à l'envers. RG allait mieux cette semaine. Ça a été vraiment pas bon. Julius est en dessous de ses standards, clairement. Alors, il est toujours là, donc il fait toujours des stats, il reste le métronome de l'équipe, mais il est quand même en dessous. Kemba, pour moi, c'est une déception, même si le dernier match, il a pris le lead au niveau offensif, ça reste une déception. Il y a une réaction de sa part sur le dernier match où, bon, forcément, dans ce contexte particulier à Charlotte, il avait envie de montrer des choses. Mais. Trop peu. Et Evan est dans le dur. Hein. Là, Evan est dans le dur, notamment en réussite. C'est en dessous de 10 points par match. C'est pas assez présent. C'est pas décisif. Est-ce qu'on peut dire qu'Evan nous fait des stats à la Frank Ntilikina? Non. C'est moche à dire. C'est pas le même joueur. C'est pas la même influence. Mais statistiquement. Alors, Je suis désolé. On est sur des stats qui sont aussi moches. Ouais. C'est dur parce que bah, on aime Evan et c'est un bon gars. Il est lucide, je pense, sur la situation. Il a également fait des sorties, justement, pour évoquer le manque de rythme, le manque de mouvement de ballon. Mais désolé, Evan, sur le dernier match à Charlotte, tu mets le premier panier, tu mets les 3 points, et tu finis la rencontre à 5 points. Quoi. Et avant, il a mis c'est très très dur. Mais le match d'avant, ou encore celui d'avant, je ne sais plus exactement, il a mis 7 points. Donc on est sur des stats qui sont faibles. On est sur un rendement offensif. Alors il apporte plus que ce que faisait Franck quand même. Je vais dans la provocation là, mais alors, attention. Enfin voilà, Franck, c'était complètement différent. Mais les stats, finalement, on est sur des choses pour l'instant qui sont. Il est clairement dans le dur, mais pas que lui. Le problème, c'est que. C'est global et que c'est inquiétant. C'est que qu'il y ait quelqu'un en dessous par match, ça arrive régulièrement. C'est d'ailleurs le principe du basket. Un mec qui est en forme et d'autres qui l'aident. Là, en ce moment, ils sont tous en méforme. Ils sont tous à l'envers. Ils sont tous en manque de rythme. Et il n'y a pas de jeu, en fait. Le 5 majeur ne joue que par séquence arrêtée. Boum, on passe la balle, ça shoot. Boum, on passe la balle, ça shoot. Il ne propose rien. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de mouvement de ballon. Ils l'ont tous remarqué, donc c'est bien beau de faire des déclarations, mais il va falloir le montrer. Thibodeau les a sanctionnés en les laissant en fin de quatrième quart-temps. Il est sorti dans la presse en sanctionnant son 5 majeur. Chose qui est très rare, on en a déjà parlé lors du podcast, mais chose qui est très rare de la part de Thib, puisqu'en général, a tendance à protéger, voire surprotéger ses joueurs. Donc il a pris conscience de tout ça. Le problème, c'est contre Charlotte, on commence très fort le match, mais moi, je revois la même chose, troisième, quatrième quart-temps. C'est un copier-coller de tous les autres matchs. Il n'y a rien, c'est vide en défense. La seconde unité rentre et met un petit peu d'énergie, mais c'est trop peu comparé à ça. Charlotte est une bonne petite équipe, mais ce n'est pas non plus incroyable. Et ils n'ont pas eu à forcer leur talent, ils ont juste couru, mis leur panier, et basta, le match était plié. Ils étaient portés par leur équipe, par leur public, à domicile, et tant mieux pour Charlotte. Mais encore une fois, l'impression de revivre systématiquement les mêmes matchs cette saison. L'année dernière, on a vanté les mérites de la défense, qui permettait d'être dans la lutte, vraiment dans le struggle, vis-à-vis des matchs, de jamais rien lâcher. Cette année, on a une équipe, non pas défensive, mais une équipe de run, qui va mettre un plus 20 par moment, et puis derrière va se prendre un moins 15. Et voilà, donc il n'y a pas de maîtrise, malheureusement, dans les rencontres qu'on voit en ce moment. La faute à qui? Ça, c'est bien compliqué. La faute à toute l'équipe, autant le coach que les joueurs. Il va falloir un petit peu se remettre en marche, hein. À la tête à l'endroit. On n'est pas non plus... On est meilleur offensivement, mais on n'est pas les Warriors. On n'est pas des grandes équipes. On a du talent, mais ne nous enflammons pas. Restons modestes. J'adore Evan, j'aime beaucoup Kemba, Julius et tout. Mais il y a des joueurs dans la ligue qui sont beaucoup plus forts offensivement, qui ont beaucoup plus de certitude. Nous, il va falloir aussi rejouer simplement. Arrêtons de forcer à 3 points. Arrêtons de jouer en équipe. Première attention. Je serais tenté de dire, moi, Revenons sur les fondamentaux. Et puis quand tu prends un match comme Charlotte, où tu leur mets 15, 20 points et que tu te fais revenir en 2 minutes, c'est pas normal. Le coach Thib, il doit intervenir aussi. Tu dois prendre les temps morts, tu dois arrêter le jeu, tu dois sortir tes joueurs. Tom, réagis. Ah là, il y a un moment. Thibodeau, là, je suis désolé si tu m'écoutes, et je pense que tu m'écoutes, et tu as raison de m'écouter. Réveille-toi. T'es là pour la défense. La deuxième année, toujours plus compliquée, notamment pour Thib. En plus, il le sait. La première année, on est dans l'énergie, on est dans la niaque, la revanche. L'année dernière, faut pas oublier. On n'en parle pas assez souvent. Mais tous nos joueurs étaient revanchards. Ils avaient tous quelque chose à prouver. Julius, sous-côté, critiqué, sortait d'une saison très compliquée. RG, oublié de pratiquement tout le monde dans les meilleurs rookies. Après, on a pris des joueurs comme Noël, comme Mitch en fin de classement, IQ, que personne n'a vu dans ses radars. Donc, on avait des joueurs surmotivés. D-Rose qui se relançait aussi. Donc, on avait des joueurs... Est-ce qu'on parle d'Elfrid Payton? Il était très critiqué pour son apport offensif très pauvre. Dès que Payton devait shooter à 3 points, voilà, c'était pas dedans. Shooter tout court. Mais défensivement, voilà, il essayait d'être un peu une teigne, d'être vraiment dans son joueur. Voilà, c'était quand même une sorte de premier rideau. C'est clair. Voilà, même si c'était un petit rideau. Hein. C'était un premier rideau. Et cette année, on l'a pu, ce premier rideau. Surtout qu'aujourd'hui, défensivement, on prend trop de 3 points. C'est honteux. Les mecs sortent pas sur la ligne à 3 points. Ça, c'est pas une question d'être un bon défenseur ou pas. Tu sors sur l'homme, tu lèves la main. Voilà. C'est de gêner, c'est de contester, et c'est plus ce qu'on retrouve cette saison. Donc, c'est vrai qu'en termes de défense, c'est le jour et la nuit. Sachant que la NBA, ça se voit dans les classements. La NBA a allégé les règles défensives. Donc en plus, on devrait en profiter, on devrait se régaler. C'est facilité, ouais. Eh ben non. Donc là, il y a une grosse sonnette d'alarme. Je ne sais pas s'ils en ont pris conscience, parce que le match contre Charlotte ne rassure vraiment pas. Que tu le perdes, mais encore une fois, c'est la manière. Le body language était très mauvais sur ce match. On voit des leaders qui n'ont peut-être pas encore abandonné, mais qui sont dans le dur, qui ne trouvent pas de solution, quoi, en fait. C'était une purge à regarder. RG, en plus, c'est un mauvais... RG, quand ça va pas, il a un body language très, très vite. je baisse les bras, je souffle. Est-ce que c'est son côté canadien, un petit peu, on va dire, un peu endormi, des ouais. fois, qui donne cette impression-là? Quand il est en réussite, bon, ça passe, on oublie. Par contre, quand il est en difficulté, comme le match à Charlotte, où il met 2 points dans le match. Et c'est pas comme s'il avait eu 10 minutes de jeu, qu'il s'était blessé. Non, il fait quand même quelques minutes de jeu. Ouais, pratiquement 2 points pour un titulaire, quoi. Pour la deuxième arme offensive. C'est la deuxième arme offensive. Un match raté, c'est 7-8 points. Tu te dis, bon, ok, 2 points, c'est catastrophique. Le body language où tu sens qu'il est un peu en mode groupie, boum boum boum, ça va pas. Non, là tu peux pas, faut se réveiller. Tu peux foirer ta première mi-temps, tu te réveilles en deuxième. Tu peux même foirer tous tes cartons, te réveiller sur les 3 dernières minutes, on ne sait pas. Il y a un moment donné, il faut y aller. Et là, la réaction, elle met du temps à arriver. Elle m'inquiète grandement parce que dans le 5 majeur, je ne sauve personne aujourd'hui. Mitch, défensivement, c'est pas terrible. On en a parlé dans le podcast. Écoutez le podcast pour avoir nos avis sur Mitchell Robinson. Donc, dans le 5 majeur aujourd'hui, tu peux sortir personne. Julius étant celui qui sauve un peu les meubles, mais il est quand même en dessous de ses standards l'année dernière, il est en difficulté. Alors, il est beaucoup critiqué, à juste titre. C'est le leader, qu'on le veuille ou non. Hein, on entend encore, on le lit à droite, à gauche. Vous voyez, Julius Randle, c'est qu'un lieutenant, tout ça. Bon, ça, c'est la perception des uns et des autres. Mais aujourd'hui, dans l'équipe, dans l'effectif, ça reste le leader de l'équipe. Il est en difficulté. On retrouve le mauvais Julius Randle par séquence qu'on a pu connaître il y a deux saisons. Il force et tout. Bon, moi j'ai envie entre guillemets de défendre encore un petit peu Julius Randle en disant que cette saison, le recrutement de l'intersaison, c'était pour lui apporter des solutions, pour l'aider, le soulager offensivement. Qui le soulage offensivement aujourd'hui? Personne. Donc oui, il veut essayer de faire des choses qu'il n'arrive pas parce que il est pris aussi en défense. On retrouve le Julius Randle de la série de playoffs contre Atlanta. Et sans aide, avec un RG à 2 points, avec un Evan Fournier à 5 points, c'est compliqué, quoi. À qui filer le ballon? Après, n'oublions l'an pas dernier, que... il ressortait un peu la balle à Reggie Bullock. Ce qui m'inquiète le plus, c'est même pas ça. Tu mets pas tes shoots. Tu mets pas, ça arrive, il y a des périodes, c'est le basket. Tu défends pas? Non, c'est pas possible. On n'a jamais, l'année dernière, on n'a pas gagné des matchs à 130, 140 points. C'était pas notre jeu. Donc là, difficile d'être des deux côtés du terrain à fond. On était dans les victoires à 100 points, on tournait autour de 100, 105 points, voilà. Mais on gagnait, on se battait. Et les équipes adverses, à chaque fois qu'ils jouaient New York, ils disaient putain, hein, je vais être grossier. C'est un match à haute intensité. C'est dur. Et c'est comme un match de playoff. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas cette intensité-là. Donc on perd trop de fondamentaux. Et on ne peut pas changer du tout au tout une équipe en quelques semaines. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faudrait repartir un petit peu sur les bases de l'année dernière, tout en essayant d'incorporer, mais on peut partir sur ce qu'on savait faire. Et aujourd'hui, dans le 5 majeur, il va falloir peut-être prendre des décisions. Je ne sais pas. Thibodeau va faire des changements. Ça serait bien. Kemba est critiqué. Mettre D. Rose à la place de Kemba, est-ce que c'est pas encore déséquilibré la seconde unit? Le seul match pour l'instant, il n'y a qu'un match, hein, je ne dis pas de bêtises, pour lequel Kemba était en load management, hein, le premier match en back-to-back là, face aux Cavs. D-Rose n'a pas été flamboyant non plus. Quoi. Donc, D-Rose, là où on retrouve son apport, son intérêt évident en seconde unit, est-ce que remplacer D-Rose par Kemba, est-ce que c'est la bonne solution? Bon, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, le problème, c'est que Kemba... Tu peux pas mettre D-Rose parce que c'est gâché D-Rose de le mettre en 5 majeur. On l'a même vu l'année dernière sur les playoffs et tout. Son impact est beaucoup. Il est plutôt jeune en plus, même s'il est régulier. Son impact est beaucoup plus important quand il arrive, que l'équipe en face est un peu fatiguée ou que c'est la seconde unité. Boum. Ouais, parce qu'il va donner une impulsion. Il relance l'équipe là où elle a besoin. Au départ, c'est pas forcément là. Donc tu gâches un petit peu. Maintenant, Kemba, moi, je suis pas convaincu sur ce début de saison, notamment défensivement, et même offensivement, c'est trompeur, parce qu'il met quelques paniers, mais ils sont rarement décisifs, il distribue peu le jeu, il accompagne pas les autres, et il libère pas beaucoup les espaces. Donc, c'est vrai que là, je cible Kemba, Evan non plus, sur les derniers matchs, il n'est pas bon, et RG non plus, mais Kemba reste le meneur titulaire, et on attend quand même beaucoup de sa part. C'est un New-Yorkais, il y a la pression, il y a l'envie, mais pour l'instant, c'est pas bon. Aujourd'hui, je n'ai pas la solution de savoir qui mettre à la place, mais je pense qu'il va devoir faire un électrochoc très rapidement. de forcer des jeunes aussi de temps en temps, voir ce qu'ils peuvent apporter avec des missions bien spécifiques, défensives ou autres. On verra. Mais aujourd'hui, il faut vite se reprendre. On va parler de ce qui nous attend d'ailleurs, je pense, dans pas longtemps. Et on va parler de ça. On attend des changements, on attend des réactions. La dernière chose que je voudrais mentionner, c'est qu'on est mauvais à domicile. C'est honteux. Ça, c'est gênant. Ça, c'est on a certainement la plus belle salle et un des meilleurs publics de la NBA qui pousse quoi ça, qu'il arrive. Et pour moi, c'est certain. Pour mettre la pression sur les autres et gagner les matchs. Tu perds à domicile, c'est pas bon. Tu peux pas te permettre de perdre à domicile comme ça. Ça doit être à domicile, ça doit être ton terreau, ça doit être ta base. Les gars, ils viennent, ils savent qu'ils viennent au Garden, ils vont en prendre plein la tête, ils repartent. Et tu grappilles quelques matchs à l'extérieur et voilà. Là, tu dois être dans une zone de confort quand tu joues à domicile. Exactement. Et là, il me semble, Julien, si je dis pas de bêtises, que sur le programme de la semaine à venir, il y a quelques matchs à domicile qui nous attendent. Je te propose qu'on parle de la semaine, du programme de la semaine à venir. Allez, on y va ? C'est parti. Allez, let's go. Le passé appartient au passé. Projetons-nous un petit peu sur ce qui nous attend. On parle du programme de la semaine à venir. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine ? On espère des victoires des Knicks, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont jouer à domicile. Et pour l'instant, ils ont été loin de briller à domicile. Donc on a plusieurs matchs cette semaine, une grosse semaine finalement, 4 matchs. Julien, tu nous dévoiles un petit peu le programme de la semaine ? Allez, on a 4 matchs, dont 3 à domicile. On va recevoir dans l'ordre Indiana, Orlando, Houston et on finira par Chicago. Bon. Sur le papier, c'est comment ? C'est des équipes qui sont normalement prenables. Non, j'ai plus de certitude. Sur le papier, en fait, non. C'est pas si facile que ça parce qu'Indiana, Chicago, au final, c'est un peu dans nos standards. C'est un peu à notre niveau. Sur le papier, Orlando et Houston, c'est victoire. Maintenant, avec ce qu'on voit actuellement, aucune certitude face à aucune équipe. Bon. Moi, sur les 4 matchs, je vais te dire qu'on va faire un bilan de 2-2. Sur le papier, je vois Indiana. Prudent. Voilà. Je pense que Chicago nous attendront chez eux. On les a battus sur un match très difficile chez eux. On sortira 3 matchs à domicile, peut-être un même peu difficile. Même si Vucevic, pas Vucevic, on verra. Ouais, mais Chicago quand même. Bon, je dirais que voilà. Je dirais qu'Indiana, Chicago, on risque de les perdre et gagner Houston, Orlando. Mais avec les Knicks, comme tout est bizarre, je pense qu'on va peut-être même taper Indiana, mais qu'on va se retrouver avec une défaite surprise contre l'un des deux, Orlando ou Houston. Et ça, ça me fait chier, mais c'est ce que je vois. Je me dis que là, ils sont vraiment en struggle. L'équipe va vouloir se reprendre. Indiana nous a fait mal chez eux. Julius a tendance à aimer ce genre de match. Bon, pourquoi pas. Miles Turner est plutôt en forme. Ouais. Il sort encore d'une belle rencontre. Après, on avait bien pris Sabonis. Si Nerlens est là, qu'il aide un petit peu, tu vois, ça peut le faire. Je dirais que Indiana, on peut les prendre. Orlando, je les vois bien aussi ne pas nous refaire le coup. On va avoir un petit peu la rage de ce qui s'est passé lors du deuxième match. Donc Orlando aussi. Mais si tu fais ça, bah, je pense qu'on peut avoir une déconvenue contre Houston. Houston, c'est le match piège. Match, une équipe pétée, avec 2-3 petits jeunes talentueux, mais ils sont capables sur un match voilà, de nous sortir. Une petite dinguerie, le Madison, ça les fait vriller, ça les fait rêver. Voilà. Et moi, Chicago, je nous vois perdre. Hein. Je le dis, je nous vois perdre. J'annonce. Donc voilà. Bon, c'est une équipe plutôt en forme de la conférence voilà, Est, même si, comme je le disais, Vucevic est en protocole Covid là, pour une dizaine de jours. Son retour, normalement, devrait coïncider avec le match des Knicks. Donc, à voir s'il sera en forme ou pas. Ça reste un bon pivot tout de même, c'est peut-être pas le plus grand des défenseurs, mais un bon passeur et tout. Donc, Chicago sur papier, c'est stable, c'est régulier. Ball fait une bonne saison, Lavine, DeRozan, Caruso, ils ont pas mal de joueurs qui s'embriquent bien pour l'instant. Chicago est très bon et c'est mérité ce qui leur arrive. Et en plus, ils auront une revanche à prendre. Ils vont jouer chez eux, c'est un match chez eux, c'est à Chicago. Donc. Chez eux, ils vont pas lâcher le match. Et bon, voilà. Et sur les 3 autres matchs, Indiana va être un vrai test. Là, on sort de trop de défaites, on est chez nous. Indiana chez eux, on avait pris cher, on n'avait jamais réussi. Bon, ils sont aujourd'hui dans le classement de la conférence Est, ils sont encore derrière New York. Et mais à Indiana, donc, mais ça ne veut pas dire grand chose à ce stade. Et surtout que c'est en faux semblant, c'est qu'Indiana, début de saison, ils n'avaient que des blessés. Leur 5 majeur, il y avait tout le monde blessé. Donc les gars reviennent petit à petit, et avec le retour de toute l'équipe, c'est quand même un autre niveau, Indiana, vraiment. pas oublier Brogdon, faut pas oublier Sabonis. Leur rookie, Chris Duarte. Donc, Duarte qui est très très bon. Turner. Là où on a un problème pour défendre la ligne à 3 points, ils ont quelques snipers. Donc, eux, tu leur enlèves, il faut pas leur en laisser, il faut pas leur en promettre, comme on dit. Tu leur laisses, ça, ça marque, c'est dedans. Donc oui. Après, ça reste toujours une affiche particulière, Pacers, Knicks, hein, toute l'histoire passée entre ces deux franchises. Donc c'est vrai que le public sera là aussi pour essayer de pousser les Knicks. Les Knicks sont dans le dur, les Pacers sont plutôt mieux. Donc, ouais, je te dis semaine à 2-2, j'aimerais même bien cette semaine à 2-2, je veux dire, chier tout de suite pour 2-2 parce qu'on sort d'une... Je te demande que ça, juste ça, semaine, retrouver un peu de victoire. 1-3 qui a fait très très mal, donc voilà, et puis qu'on retrouve des certitudes, c'est important de retrouver des certitudes, et après... Parce que là, moi, clairement, on est un peu déçus sur ce début de saison. On avait des grosses attentes. Oui, c'est normal. Là, sur ce qu'on voit, on est clairement dans une déception. Tout le monde en a conscience, eux-mêmes. Et puis, le body language n'est pas bon en ce moment. Les attitudes ne sont pas bonnes. Donc, il faut absolument retrouver cette énergie, cette positivité. Puis voilà. Cette positive attitude. Waouh. Eh bien, essayons d'être positifs. Moi, je vais essayer d'annoncer plutôt un 3-1. Voilà, 3 matchs à domicile. Il faut les prendre. Ce n'est pas les équipes les plus redoutables. Admettons, on peut perdre à Chicago, comme ça, voilà, on aura une égalité pour l'instant en saison régulière entre ces deux équipes. Mais j'ai envie que New York se reprenne, vraiment, que se reprenne chez elle aussi, au Madison Square Garden. 3 matchs à domicile, il faut se remettre dans un certain niveau de confiance, même si on part de très très loin. Moi, j'ai envie de pronostiquer un 3-1 sur cette semaine. L'avenir nous dira si on a vu juste ou pas, si c'est vraiment si la crise s'intensifie et que rien ne va plus, que le groupe commence un peu à craquer de partout. Est-ce qu'il y aura des ajustements de la part de Thibodeau dans ses rotations, dans son starting 5? On vous a posé la question sur le compte Twitter en ciblant 4 joueurs. Pourquoi? Parce que Twitter permet de faire que 4 choix. Oui, donc on avait épargné Julius. Mais voilà, le backcourt est plutôt cible d'interrogation. Et même le poste de pivot. Hein. Donc on verra. On va voir ce que Thibodeau va nous proposer sur ces rencontres. Moi aujourd'hui. Mais on attend quelque chose. Quoi. Moi aujourd'hui, la situation ne peut pas durer. Quoi. Moi aujourd'hui, je sors d'abord Mitch. Et je mets Noël. Mais faut-il encore que Noël soit apte. Non, mais en parlant de Noël apte, je pense que ça lui ferait du bien de repartir un peu sur le banc, se remettre la tête à l'endroit. Et Noël apporte une énergie que Mitch n'apporte pas. Noël ou Taj apporte une énergie. Et une intensité défensive. Une énergie aussi qu'on ne trouve pas forcément dans le starting five. Il fait du bien et une intensité défensive qui libère du jus surtout. Donc c'est important. Et le poste de meneur, aujourd'hui, on n'a pas la solution. C'est dommage. Parce que je sortirais Kemba, mais pour mettre qui? Ah. Bon, certains me parlent de Damian Lillard, mais c'est peut-être un petit peu tôt quand même. On va attendre un petit peu avant d'arriver sur ce genre de choses, de rumeurs. Même si ça va toujours vite. Non, il n'y a pas de rumeurs aujourd'hui sur Damian Lillard. S'il n'y a pas non plus incendie dans la demeure, c'est tranquille. Non, mais la pression commence à monter. Bon, quoi qu'il arrive, c'est une belle semaine. Cette semaine va être décisive parce que si tu te loupes, là, on va avoir beaucoup de problèmes qui vont arriver et les médias vont s'en emparer sur toi, New York. Voilà, donc une semaine encore une fois intéressante. Je vous rappelle la viewing party qui arrive dans 15 jours. Le samedi 4 décembre. D'ici là, on espère avoir retrouvé un petit peu de niaque, un petit peu de win, un petit peu plus d'envie, de belles choses de montrer. Donc pensez à vous inscrire, à nous revenir vers nous pour nous dire si vous venez accompagner. L'entrée est gratuite. C'est à des heures tout à fait raisonnables. Donc ça sera plus facile et on apprécie plus de voir ces matchs, ces rencontres d'Enix quand on est à plusieurs. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ça passe mieux quand on est en groupe. Donc voilà, petit rappel pour cet événement qui arrive. Mais quoi qu'il arrive, cette semaine, une grosse semaine encore des New York Knicks. On va vous couvrir l'actualité comme il se doit sur nos différents médias, nos différents réseaux sociaux. On sera là pour supporter l'équipe, même si elle traverse une passe difficile. Et puis j'ai envie de te parler encore un petit peu de KNF TV, Julien. La semaine dernière, on a diffusé un contenu qu'on appelle We Got Game. C'était le match record de Carmelo Anthony, les fameux 62 points. Ça commence à dater, une époque vraiment particulière de cette passage de Carmelo Anthony. Je ne sais pas si ce record va tomber cette saison. Franchement, j'en doute fortement. Mais voilà, ça c'était le petit contenu historique de jeudi dernier. Et cette semaine, on est-ce qu'on ressort un contenu sur KNFTV jeudi? Un petit Nick Story, c'est bien, non? On en ressort un? Allez, un petit Nick Story, ça serait le troisième épisode numéro 3. Donc, Nick Story, épisode numéro 3, qui va avoir l'honneur de faire la succession de Walt Frazier, de Stéphane Marbury? Bah écoutez, c'est un joueur dont on a déjà un peu parlé, qui était plutôt apprécié à New York. J'en dis pas plus, je pense que c'est un épisode qui peut vous plaire. En tout cas, ça, on vous donne rendez-vous jeudi sur KNFTV pour le troisième épisode de la série documentaire Nick Story. Et puis, d'ici là, j'ai envie de vous souhaiter une bonne semaine, de rester fort, parce qu'en ce moment, les Knicks fans sont mis à rude épreuve. Le ping-pong est toujours de sortie. On a l'habitude. Même si le ping-pong est de sortie chez les community managers des équipes qui nous tapent. Donc voilà, bon, ça, c'est nul. Mais en tout cas, soyez fort, soyez présents, soyez solidaires. Kiffez les Knicks, supportez les Knicks, suivez-nous, les pouces, la cloche, l'inscription, tout ce qu'il faut sur le YouTube Game. Et puis on vous retrouve très bientôt, on vous retrouve lundi prochain pour le prochain épisode où on débriefera de l'actualité dans Have a Knicks Week. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt et let's go Knicks. Salut et salut. Allez, bye bye. Ciao, ciao.